Déjà une heure de musique, donc on n'a rien ramené. Si, moi j'ai ramené. J'ai rien ramené non plus. Nous sommes là, ils sont là, vous êtes là, nous sommes là. C'est Pyongyang, City Rockers numéro 305 et non 304 comme quelqu'un me l'a nettement seriné. Qui commence maintenant pour une heure. Il y a plein de monde dans le hall et dans le studio, dont Gaël. Salut. Oui, Célia. Salut. Val. Coucou. Et Will. Hola. Mais t'es en avance, normalement tu viens plutôt vers Noël, non? C'est pas un piège. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. T'as ramené plein de musique et franchement la playlist de ce soir, ça va être en très très grande partie les trucs que tu nous as concoctés, parce que t'es quand même un bon radar punk hardcore. Voilà. Mais pour l'instant, c'est moi qui parle avec un truc russe, comme d'habitude. Vient de paraître le septième volume de la compilation russe Punks Against War. Programme, il y a 26 groupes punk toutes tendances unis dans leur refus de la guerre et du militarisme de l'État russe. Il y a aussi bien des inconnus de mes services que des vieux routiers comme Zuname, Adaptatia. Tu connais Adaptatia, Gaël? Tarakani aussi, hein, et PTVP aussi d'ailleurs. Voilà, des trucs que je passais déjà dans Écrasons la vermine il y a 15 ans. Sinon il y a des petits jeunes aussi. Tous ces gens prennent des risques juste en signifiant leur désaccord avec la politique de Poutine et aussi en récoltant du fric pour les réfugiés ukrainiens. Ça peut donc être une bonne idée de leur filer un coup de main. Et justement, le label qui sort ses compilations, qui s'appelle le Tchornaya Ploshad, est présent sur Bandcamp et propose à tout à prix libre, ce qui ne signifie pas prix braderie. Comme on dit maintenant, prix libre mais responsable. Et donc l'adresse c'est blackploshad, blackploshad.bandcamp.com. Je rappelle le nom de la compilation, c'est Punks Against War, volume numéro 7. Il y en a 6 volumes avant. Ils ont aussi produit pas mal d'autres choses, de groupes russes, kazakhs, biélorusses, même des ukrainiens il me semble. Bref, tout ça c'est à prix libre. Et tous les bénéfices vont pour des réfugiés ukrainiens qui se trouve du mauvais côté en Russie. Bref, voilà, on va écouter maintenant Via Papoussor. Ils sont de Bielgorod. C'est à peine à 40 bornes de la frontière ukrainienne. C'est de dire s'ils ont déjà certainement entendu parler de cette guerre de merde. Et leur chanson, c'est Ti Bil Prav. Ça veut dire vous aviez raison. Mais pourquoi vous aviez raison, je ne sais pas. En tout cas, les voici, les voilà. c'est quoi? Oui, c'est... via Pop Moussor. We'll be right back. content que t'es là, Will, parce que franchement, je l'ai écouté trois fois tout à l'heure, et comme je te disais en antenne, et j'ai même pas capté que c'était une reprise. Oh là là. Bah, moi, j'écoute direct, je fais, mais c'est une reprise de Career Suicide, et puis c'est les mêmes accords, la même manière de chanter, mais en russe. Donc, bravo. Bravo pour cette excellente découverte de reprise en russe. Ouais, ouais, et il y a d'autres trucs qui sont pas des reprises, enfin, je pense. Du coup. Il y a un groupe russe qui reprend Syndrome 81 aussi. Ah oui ? Ouais. Mais c'est tout, lui, c'est putain, bon. Putain, il est fort. J'ai vu ça. Et tu vas, c'est ça que tu vas passer maintenant ? Hein ? Bon. Micro, bah ouais, non, mais attends, ça y est, Audrey, elle vient, elle arrive, là, et c'est le bordel. Voilà. J'ai ramené quelques trucs. Alors, on va commencer, enfin, deuxième chanson. Il y a une page à Phase, un groupe de Montréal. Avec la chanson Burn It Faster, c'est la première chanson de leur dernier EP qui est sorti, je sais plus, il y a un an ou deux. Il y en avait avant ? Ouais, il y avait quelques démos et d'autres EP avant, oui. Sur qui ? Voilà, là, si on commence avec les labels, les années. Oh, fallait là, ouais, pas c'est nous pas dire possible. Que tu savais pas, forcément, on va te poser la question à chaque fois. Non. Non, c'est pas notre genre. Je répondrai pas. On a pas le temps, on a une heure de musique à passer. Donc là, si on parle, on va pas arriver à tout passer. C'est vrai. Voilà. Une heure qu'avec les morceaux de Will. Que avec, ouais. Enfin non, qu'avec tout ce. Ah ouais, parce que moi j'ai pas pris en couvrant mon bloc-notes. Bah voilà. Donc Phase. Oui, Phase. Burn it faster. Il faut que ça brûle plus vite. C'était bien ce truc-là, c'était quoi, ouais. C'était Phase, un groupe de Montréal. Bon. Voilà. Ils ont été repris par les Russes. Je pense pas, mais possible. Bon, on va continuer. On a quand même pas mal de musique à faire passer et plein de trucs à vous faire découvrir. Tiens, un programme serré. Donc là, on va écouter Mijalia, un groupe de Zadar de Croatie, avec la chanson Gradski Zvjetovi, qui veut dire fleur des villes. Oh, c'est beau. C'est bucolique. Voilà. Et alors, et c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes ou... Et là, je connais le label, par contre. Ouais. Là, c'est Doomtown Records. Ouais, Doomtown. Ouais. Ah. Donc, Doomtown, valeur sûre. De Miseria, ouais. C'est possible, mais peut-être pas celui-là. Non. J'avais un titre inédit, mais ils n'ont pas voulu que je le passe parce que ça va être sur une compile et c'est exclusivité. Et tout. Une compile russe? Une compile... je sais pas, hein. Je demande. Je crois que c'est une compile soutien aux Ukrainiens. Alors, c'est peut-être celle-là. Hein. C'est peut-être celle-là. Ben non, parce qu'en fait, là, les trucs que j'ai annoncé avant, c'était il y a uniquement des groupes d'ex-URSS, on va dire, vu qu'il y a des Russes, des Kazakhs, il y a quelques Ukrainiens aussi, mais pas des masses, quoi. Enfin, ok. Bref, ok, très bien. Ouais, est-ce qu'on met Nigeria ? Pas des Yougoslaves, oui. Yougoslavie, c'est autre chose. Quoi, on va se priver de Nigeria alors ouais. Ben non, voilà. Ben, oui, là, les fleurs des villes, hein ? Youpi. Oui. Fleurs de bitume. Oui, si tu veux. C'est sur campus, sur 6,6, émission Pyongyang. Pyongyang qui est tiré au cœur. Dans un vœu, Miseria. Magnifique, chose, hein. Oui, mais magnifique, magnifique quoi, Nigeria. Ouais. Quelle voix, ouais. Quelle voix. Ouais, et puis il faut des groupes comme ça, voix féminine. Ah, quand même. Ah. Bah ouais. Bah c'est bien parce qu'on va mettre le prochain groupe, c'est un groupe de Madrid qui s'appelle CPU, donc CPU, ouais. Avec la chanson Paranoia, avec un groupe, hein un groupe, hein. C'est des informaticiens ou quoi? Oui, ils disent qu'ils font du hardcore digital, mais je comprends pas trop le délire, parce que ça reste juste du hardcore punk. Ah ouais, bien, franchement c'est bien. Dans un moment donné, un groupe de filles encore, voilà, un groupe de filles espagnoles, très bien. Oui. CPU et Paranoia. Voilà. We'll be right back. écouter quoi, cette beauté? Alors, on vient d'écouter Ghouls, un groupe de Bilbao, Pays Basque, avec la chanson Cien Cuchillas. Ghouls qui jouera ce samedi au magnifique festival Louis Pleur à Ankin-Leginghat. Non, c'est à Cerny. Cerny, c'est le lieu dit. Voilà. Cerny n'apparaît pas sur Google Maps, donc non. Ouais, voilà. Pas de Cerny. Vous cherchez Ankin-Leginghat, c'est pas difficile. C'est comme pas dur à retenir. Non, Ankin, ouais. Ankin. Par contre, j'ai vu, c'est L-E-S ou L-E-Z ? L-E-Z. Ankin-Leginghat. Ouais, parfait. Alors, en Bretagne. Non seulement il y aura Gours, mais il y aura aussi Autolise, Pédigré, Alarme, L'Empereur. Pédigré ne joue plus. Non, il joue de plus. Non. C'est remplacé par Mythe. Oui. Ah, oh, d'accord. Bon, ça vaut, c'est pareil. Malidiot Territ. Enfin, ça fait moins de gens à loger. L'Empréo Explosivo, Gutter, Reflex, Motrocotoc, Matrakatak, mon cher Ripoll, qui est là dans le hall, bonjour. Voilà. Et puis, Chidiaspora et Benizero, qui, paraît-il, fera un DJ set New Beat. Je demande à voir. J'ai déjà vu, et ouais. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, d'accord, okay. Bon, et t'as entendu aussi enfin, J'ai entendu, c'est parfait. Voilà. Restez jusqu'au bout, ça va être génial. On rappelle, ça se passe à Cerny, c'est le nom du lieu-dit, à Ankin-Leginghat, E-N-Q-U-I-N, enfin bref, le code postal 62-145, et puis c'est bon. Hein. Avec Shaw, tu rentres ça dans le... Sinon, tu regardes ça sur... Internet, ouais, tu tapes Louis Pleur, pas de Calais, tu vas trouver. Hein. Ouais, c'est et ça. Alors Louis, pas le prénom, et Louis et comme tu peux aussi le trouver sur shpunk.org. Tu t'as fait. Youpi, avec une belle affiche avec je sais plus qui. Merci shpunk.org pour nous annoncer tous les concerts qu'il y avait dans les années 2000 pour Internet. Quand on était encore en 56K, là. C'est vrai que ça ressemble un peu à un Skyblog. Bah ouais, feu Skyblog. C'est pour ça qu'il faut le garder. Le mix entre le MySpace et le Skyblog, c'est Shpunk. Mais en mieux, avec du contenu mieux. On a oublié de dire que ça commence à 14h et que le prix est libre, mais conscient. Ouais, je disais tout à l'heure. Tac. Ouais, mais au moins 10 balles, quoi. Ah, il y a 10 groupes. Ouais, boum, facile, ouais, c'est ça. 10, 15, et ils n'ont pas de carte bleue, hein, parce que bon, t'es quand même dans la campagne du Pas-de-Calais, il faut le savoir. Ouais. Donc, il y aura du bon bois boire et du bon. Il faut passer à la tirette avant. Hein, sinon, t'es refait, tu dois encore faire 25 km dans un sens et re dans l'autre pour aller chercher des sous. La civilisation la plus proche, t'es à 25 km, exactement. Voilà. Donc, c'est Louis Pleur ce samedi. Et puis, tu nous passes quoi maintenant? Eh ben, on va écouter un groupe japonais qui s'appelle Clones. Avec la chanson Husk. Ils ont quand même toujours des noms un petit peu limites, les Japonais. Clones. Ouais, mais c'est un des groupes japonais qui me fait triper en ce moment, Clones. Ouais, voilà. Bon, bah Husk, eh bah, écoute, on va, il va triper, on va voir comment ça fait quand il tripon. Voilà, wow. Tripon avec Will ce soir. C'est dommage, il chante en anglais. Yeah. Et bah donc après Clones, on vient d'écouter Stray Bullet avec la chanson Notes. Stray Bullet qui est un groupe de Sheffield, UK. Voilà. Très très. Très très bon. Il y a un téléphone qui fait ding. Non. Gaël, t'aurais pu le foutre en silencieux quand même. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc. Vous écoutez Campus 106.6, il est déjà 20h26. C'est Pyongyang City Rockers pour encore à peu près 34 minutes. Bon, et puis je pense pas que tu vas pouvoir passer tous tes titres, Will. Ah, bah, mais quand même. Bah, c'est une spéciale Willy Manœuvre, non? Ouais, tout à fait. Non. Pyongyang City Rockers numéro 305, spéciale Willy Manœuvre. Et voilà, si vous avez rien à dire, on enchaîne. Ouais. Alors, on va écouter Electric Chair, un groupe de hardcore punk que j'apprécie très particulièrement. De toute façon, je pense que tous les trucs que tu passes ici, tu les apprécies parce que sinon, tu les passerais pas. Bah, souvent, c'est des copains ou des groupes que j'adore, quoi. Ouais. Donc, bah, voilà. C'est des potes, putain, c'est du népotisme alors ce que tu fais. Bah, je fais découvrir les copains. Ouais, c'est bien. Bah, c'est pas tous des copains, des copines. Alors, Electric Chair, groupe de Olympia, Seattle, par là, Seattle. Non, je prononçais à la française. Seattle, Olympia, Seattle. Bah ouais. De l'État de Washington, voilà. Voilà, c'est parti. Electric Chair. 1 minute 17. C'est que du hardcore voilà. Ce soir. C'est tout bien, ça, c'est tout bien. Livré à l'ancienne, à années 80, sans fumer, ouais. Savage Heads. Trop bien. Très bien, Savage Heads, excellent. Ouais. On me signale qu'il faut peut-être annoncer que. Enfin, on a oublié un truc pour le Louis Pleur. C'est qu'il faut annoncer que c'est sur réservation. Mais je sais pas si c'est encore sur réservation en fait. Je sais pas. Ouais, si tu viens de loin, on va te faire rentrer, puis, t'inquiète. Ouais, enfin, de toute façon, Victor, il m'a demandé de l'annoncer, donc j'annonce. Et j'ai pas l'adresse. Enfin, je sais plus. Voilà. Oh, bah, allez. Youpi. Louis Pleur à gmail.com, non, peut-être ? Bah, je sais plus. Attends, faut que je regarde. Oh putain, non, c'est trop petit. je le dirai après. Vas-y, enchaîne, cool chaîne. Ok. Prochain groupe, un groupe de Berlin qui s'appelle Culture. Louispleurfanzine à gmail.com. Louispleur, voilà l'adresse si vous voulez venir samedi. Alors je l'épelle Louispleurfanzine, louispleurfanzine@gmail.com. Google t'espionne. Oui. Donc, venez nombreux. De toute façon, ça va être complet. Ouais. Donc, Non, c'est pas complet là. Non ça. Ouais, bah ouais, il faut l'annoncer là, donc je l'annonce. Youpi. Okay. Et puis c'est complet, bah ils resteront dehors et puis vous rendez vous sur la route. Hein. C'est ce que je te dis. C'est ça, c'est la vie. Youpi. Et donc on va enchaîner avec un groupe de Berlin qui s'appelle A Culture of Killing, avec la chanson The Last Train Home. Un disque très très intéressant. Anarcho-punk. Ah. Anarcho-punk, une petite touche anglaise, quoi. Bah vous allez comprendre. Enfin des gens sérieux. The Last Train Home, c'est le nom de la chanson A Culture of Killing. Voilà, c'est fini, c'était voilà. Fini. Putain, j'arrive juste à temps là. Donc, la bière. Donc hein après Culture of Killing, on a écouté No Filter avec la chanson Sauvage. Ouais. Groupe. Il vient d'où déjà ? De Grenoble. Voiron, ouais, c'est près de Grenoble. Grenoble. Voilà. C'est quoi la région ? EB. Bah, Rhône-Alpes. Ils le disent dans les. La Suisse. Rhône-Alpes. En Suisse romande, groupe de Suisse romande, on a No Filter. Voilà, magique. Y a rien à dire sur No Filter ? Ils ont des super textes toujours. Alors là, ça le laisse comme de ronde. Ah, mais je pensais que Gaël allait dire quelque chose parce que. Ah non, c'est l'émission de Willy Manœuvre. Hein, ah, ok. Bon, alors, apparemment. Apparemment, la cassette va être éditée. À ce qui paraît en 12 pouces, ouais. En 30 cm. Une cassette 12 pouces, c'est pas mal ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est rare. Ouais. Et alors, faut voir la platine, hein, parce que dis donc, fouf. Non, mais très bon nouveau groupe. Enfin, je sais pas s'ils sont en nouveau, mais en tout cas, leur. Ils avaient sorti déjà une première. Ils avaient sorti un autre truc, un peu dans un autre délire. Et entièrement chanté en anglais. Là, c'est chanté en français. In French. Mais là, du coup, partir dans le délire synth-oi, wave. Ça me fait délirer. Je trouve ça trop cool. Bah cool que ça te plaise. Voilà. Ça nous plaît aussi. Et beaucoup. T'as prévu quoi maintenant? Parce qu'en fait, maintenant, je ne sais pas du tout ce que tu veux. Alors, passer. On va mettre Noz avec la chanson Fangs. Faut que je le trouve. Alors, hein. Ah, le voilà. Noz. Ah, alors, Noz, c'est un groupe de Toulouse. Et personnellement, c'est un des groupes français que j'apprécie le plus en ce moment. Au niveau. En genre hardcore punk. Mm-hmm. Franchement, c'est le groupe français pour moi qui déchire tout en ce moment. C'est que mon opinion. Alors. Écoutez, vous m'en reparlerez. Et ils viendront jouer bientôt à Lille, je crois, au CCL, mais je ne pourrais plus vous dire la date. Ouais. Ça doit être sur shpunk.org, je pense. Non, pas encore. Oh. Bah alors. Moi, j'annonce pas trop vite parce que des fois, on est farcé. Hein. On annonce et puis après ça, c'est mis ailleurs. Ou alors la date, elle est reportée. Ou alors carrément annulée. Voilà quoi. Mais maintenant, j'ai vu le flyer vite, quelque part. Ouais. Le flyer. NOHZ. Le flyer NOHZ, absolument. Ils voilà. viennent de Toulouse, ils s'appellent voilà. Noz et ils jouent et ils chantent. Quel titre ? Fangs. Fangs. 4 secondes et vous êtes sur Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 305, c'est la spéciale Will qui est venue nous présenter ses morceaux vedettes. Je fais ça bien. Hein. Donc après, plus qu'à mettre une caméra. Après notes, on a mis Anamic Interior, groupe de Barcelone. Personnellement, c'est un des meilleurs groupes qu'il y a à Barcelone en ce moment. Franchement. Tu dis pas ça parce que t'es de Barcelone. Non, je parlais des groupes barcelonais. D'accord. Pas des groupes en général. Je dis pas que c'est un des meilleurs groupes du monde. Je dis juste que sur ce qui se passe à Barcelone en ce moment, c'est. T'as d'autres noms à donner ou pas? Bait. Ça, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Là, il y a Matrix. L'Inquisition, Crime. Ah, il aime pas, c'est trop grave. L'Inquisition, ouais, c'est pas mal. Oui, l'Inquisition, c'est cool. Ouais. Crime, ouais, c'est pas. Je veux pas dire du mal. Je vais rien dire. Oh, d'autres noms. Putain, j'ai rien qui me vient là. Parce que je suis concentré sur la playlist que j'ai préparée. On va rester sur Bait et maintenant tu vas enchaîner parce qu'il reste plus que 15 minutes et. Ouais. Et bah, du coup, je pense que tout. On va mettre Punter. Si tu Punter. Veux. Punter. Minute Silence. Is the name of the song. D'accord, et je l'envoie quand tu veux. Voilà, c'est un groupe de Melbourne, Australie. Si c'est des Australiens, c'est bien. Très bonne claque aussi, très bonne claque, hardcore punk. Trio, ils sont trois. c'est pas mal pour être un trio si on est trois. Il y a un mec derrière là qui se fout de ta gueule. Il pense que tu le vois pas, mais nous on le voit. Donc, vous m'aidez pas non plus à. Punter, mais si, bien sûr. Punter, Minute Silence. A Minute Silence. Sur Campus, en 6,6. Yeah! Ah bah ça c'est fini, c'était quoi cette affaire? C'était Splendide. Splendeur. Ah oui, tu as aimé, bah juste oui, après bah Panther, oui. On a mis Hyvis. On l'a déjà passé. La chanson Stab. Tu as déjà passé celle-là? Non, on a déjà passé des titres de Hyvis, mais pas celle-là, c'était quoi? Stabbed. Ouais. C'est pas sur le nouvel album, c'est sur le premier ou le deuxième. Ou... C'est un vieux morceau. C'est pas grave. Et bon, je les ai jamais vus en concert, mais c'est ma chanson préférée d'eux et je vois qu'ils la jouent quasiment jamais quand je regarde les lives sur internet. Ils la jouent jamais alors que j'adore cette chanson, elle est trop cool. Parce qu'en fait, les lives ils sont coupés à ce moment-là parce que les gens ils sont trop à fond dedans et du coup ils coupent la caméra, le micro, rien. Ouais, j'ai tout. Mais oui, bien sûr. Ouais, bien il sûr, reste 8 minutes même pas 8 minutes, sur Campus 6,6 Pyongyang qui regarde numéro 305. Will, c'est à toi. Alors on va mettre qu'est-ce qu'on avait dit? Puffer. Ouais, on va mettre Puffer, un groupe de Montréal. J'aimerais bien que Gaël soit là pour qu'il nous fasse sa prononciation du nom de Puffer. Puffer Warzone. Puffer Warzone. carrément, il y a une concurrence là, tu vois. Ouais, c'était bon, épique. C'était épique, c'était magique. Arési. Ah, c'est épique, c'est basque, c'est normal. Ouais, c'est voilà, basque, hein, ça s'appelle oui. Arési. Ça vient de Bermeo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le nom de bled qu'on a entendu au moins 10 fois dans cette émission. Voilà. Je sais pas si t'as vu, mais il y a un nouveau groupe basque qui fait la oi et qui s'appelle Arési aussi. Mais avec un H et deux R. Non. Arési, ça veut dire muraille. D'accord. Il est 20h58 et 20 secondes. Il est temps de 30 secondes même. Il est temps de dire au revoir car bientôt on va devoir rendre l'antenne. Merci Will d'être venu. Avec plaisir. C'était un moment épique. C'était un moment magique et épique. C'était magnifique. Et c'est quoi qu'on écoute? Hi friends. On est tous ensemble réunis ici. Ah, mais t'es là, toi. Ah ouais. Il était sur la table, tout ce temps, il était sur la table. Les métros, il y avait un problème de métro. Depuis tournée. Ouais. Ils ont cassé la ligne. Ah, ils ont mis un métro à tourner maintenant. Content de revoir le Will. Allez, on se dit au revoir, il reste une minute, on se dit au revoir. À la semaine prochaine pour le numéro 306 de Pyongyang City Rockers. Et on n'oublie pas... A cab. Girlfriend, let's say your money, I bet it later.